Thank you. tu laissais j'en ai plein de mémoire. Tes rêves tu le sais, j'en ai plein la mémoire. J'ai le train qui m'emporte et le vaisseau géant. Souffle palpable où vibre un espoir. Songe ailé qui franchit l'espace un court instant. La vie est si petite et le rêve est trop grand. Mais je ne connais la fin de leur histoire. Pour peupler mon Éden, j'ai le son de ta voix. La clarté de ses yeux et ton sourire parfois. Le soir lentement, le soleil va s'éteindre. Souvent je me surprends seul tendant tes bras. Je te sens près de moi, mais je ne peux t'atteindre. Ce que j'entends, c'est le bruit de tes pas. Pourtant, ce que j'entends, c'est le bruit de tes pas.